Mercredi 5 octobre, bonjour, ici Dominique Lelièvre et les informations. C'est demain jeudi qu'aura lieu la rencontre entre le ministre des Transports, Laurent Lessard, et les maires de Québec et de Lévis au sujet de la fameuse question du troisième lien. Le gouvernement comme les villes sont désormais favorables à la réalisation d'un nouveau lien routier, mais la forme qu'il prendra reste à déterminer. Lundi, Régis Labeaume m'a promis de rendre public d'ici deux semaines de nouvelles données sur la provenance et la destination des automobilistes qui traversent le fleuve. Il a promis de prendre position sur la base des faits et non de l'émotion. Le service de taxi de Québec est touché aujourd'hui par une grève des chauffeurs. Le mot d'ordre du Front commun semble avoir été respecté par les chauffeurs de Québec. Taxi Coop 5191, la principale compagnie de taxi dans la région, interrompt ses services jusqu'à 18 heures. Les appels qui lui sont logés ne sont pas répondus, tout simplement. La fermeture de ce service de répartition affecte d'autres coopératives en banlieue où le service pourrait être réduit. Seule l'entreprise Taxi Laurier a affirmé qu'elle voulait maintenir l'ensemble de ses services toute la journée. L'appel à la grève ne plaît cependant pas à tous les chauffeurs de taxi. Certains craignent de perdre une partie de leur clientèle au profit d'Uber, qui continue d'opérer aujourd'hui, même si le projet pilote n'est toujours pas entré en vigueur. L'Université Laval se distingue dans l'entretien de ses bâtiments. Des données obtenues par Radio-Canada démontrent qu'au Québec, 40% des bâtiments du réseau universitaire sont dans un état élevé de dégradation. À Québec, seuls 10% du parc immobilier de l'Université Laval est problématique, mais la situation est plus inquiétante à Montréal, où plus de 50% des bâtiments sont considérés être dans un mauvais état. Le gouvernement provincial étudie la possibilité de prolonger l'autoroute Félix-Leclerc vers l'ouest. C'est ce qu'a indiqué le ministre responsable de la région de Québec, François Blais, dans une entrevue au Journal de Québec. Le prolongement à l'ouest de l'autoroute de la capitale permettrait de soulager la congestion dans le secteur des Galeries de la capitale et d'Henri IV. La météo est une présentation de Rainfray Volkswagen. Durant le Volksfest, réveillez-vous au volant de la Volkswagen de vos rêves avec le financement à partir de 0% sur 84 mois ou jusqu'à 6 000 $ de rabais. C'est généralement ensoleillé aujourd'hui avec un mercure qui doit atteindre 18 degrés. Ce soir et cette nuit, c'est dégagé avec un minimum de 4 degrés. Plein soleil demain jeudi, vendredi également avec des températures qui atteindront 22 degrés. Présentement à Québec, il fait 13 degrés et c'est partiellement nuageux. Midi Jazz vous est présenté par...